sont. La vie, la belle, aucun sourire et mes courir. Mais on bouge ça qui est fini, le qui est vieilli. I'm not afraid to die.